nouvelle boîte. Tu devrais faire du rap. Alors j'ai sorti une feuille et j'ai commencé à gratter. On m'a dit trouve un place, hey, c'est quoi ça m'allait bien. Le S comme solide, le reste pour la fierté que j'ai bien. On m'a dit après que ça se tire à loin. Taf à fond, passe en sud, on verra par la suite. On m'a dit une fois ton courageux. Et ceux qui veulent ta peau, donne plutôt à ta face et qui te suivra jusqu'au bout. On m'a dit continue tes sons, ça nous fait plaisir. Tu rappes mieux que tout Jake. On m'a dit qu'on fait dans ton pays. Je crierai haut et fort. Vive en Algérie. On m'a dit c'est quoi. Et bois pas toute seule, tu viendras. T'inquiète, tu iras loin, mais pas ta santé, tu reviens. On m'a dit reste toujours près de tes proches. Enlève le touch tes poches et serre la main. On m'a dit ça n'a pas d'avenir car tu fous trop de bordel. J'aime tous les profs qui me diront le contraire. C'est vrai que je veux aller loin, je veux percer. Ouais, mais on m'a dit t'iras nulle part sans bonne galaxie. On m'a dit t'attaches pas tes potes car ils peuvent partir du jour au lendemain. Tu peux t'attendre au pire. On m'a dit fais attention aux jaloux. Se mettre des trucs dans les roues. On m'a dit même si t'as fait d'aspect continue. Et que ça c'est pas mon truc alors j'arrête dès que j'en peux plus. On m'a dit arrête de faire souffrir les gens juste pour quelques billets d'or. On m'a dit c'est que ça se rapproche des personnes. On m'a dit on m'a dit on est en 2012. Surveille ta famille car un bâtard peut la battre. Tu touches la porte à ta. Arrête le rap, tu sais pas rapper, sale bâtard jaloux. Juste pour toi je continuerai. Moi j'y prends une feuille et pose. Alors j'ai pris cette feuille et dans le rap je m'impose. J'essaye pas de viser haut car on m'a dit t'es au plus bas. Y'a trop de rage en haut donc je préfère partir loin. C'est cool, on t'a dit d'arrêter de faire des sons. Pourquoi tu continues? Je t'ai dit je veux pas faire de moi en continu. On m'a dit raconte-moi ta vie. T'es fou ou quoi, je suis pas encore Yves. Mais là, je suis au maximum de mes capacités. Quand on m'a dit pour faire du rap, faut taffer. On m'a dit, avec toi je perds ma vie. Billage, tu pensais même pas le quart de ce que tu m'as dit. On m'a dit, écris le fond de tes pensées. C'est comme, je veux pas m'enfoncer. On m'a dit, tu veux des thunes. Ouais, je veux des thunes. J'ai dit, je rappais pas pour les love. On m'a dit, c'est que ça se rapproche des pistes and love. On m'a dit t'as changé, t'es plus comme avant. Je sais je suis violent comme une pègre d'athlémie. On m'a dit t'as aucune chance de percer. Le rap c'est de la pierre, mais j'ai le flow bien viscère. On m'a dit et redit, tire-toi loin dans le rap. J'ai toujours la même feuille et là je gratte. On m'a dit